Bonjour et bienvenue dans votre horoscope amoureux de l'été. Bélier, un véritable feu d'artifice. Oui, cet été, Bélier, préparez-vous à vivre des émotions fortes. Votre charme est au zénith et ce, dès mi-juillet, rendant ainsi votre présence irrésistible. Mais attention, votre fougue peut aussi vous pousser à des impulsions. En août, gardez votre calme pour éviter justement ces petits conflits qui pourraient éclater. Mon conseil, utilisez votre énergie pour raviver la flamme ou conquérir de nouveaux cœurs, mais toujours avec tact. Et rappelez-vous, un sourire désarme plus sûrement qu'une flèche de Cupidon. Taureau, douceur et passion sont au rendez-vous. Cet été, Vénus et Mars jouent en votre faveur, apportant stabilité et passion. Juillet vous voit irrésistible, attirant l'attention sans effort. Cependant, le 15 juillet, gardez votre sang-froid, car Mars et Uranus pourraient vous pousser à prendre des décisions hâtives. En amour, communiquez ouvertement pour éviter les malentendus. Profitez de l'été pour renforcer vos liens ou pour rencontrer quelqu'un de spécial. Et n'oubliez pas, les meilleures relations sont celles où l'on prend soin de l'autre. Gémeaux, votre été sera pétillant. Votre été s'annonce aussi virevoltant que votre esprit. La séduction est votre jeu préféré et Vénus vous rend particulièrement irrésistible. Mais attention, Mercure rétrograde pourrait semer quelques quiproquos. Alors restez attentifs aux détails et maintenez une communication claire. Les étoiles vous sourient en septembre, favorisant des rencontres marquantes. Mon conseil, laissez votre charme naturel briller, mais gardez les pieds sur terre pour ne pas vous perdre dans des illusions. Et qui sait? Peut-être qu'une rencontre estivale deviendra plus sérieuse. Cancer, une vague d'émotions. Cet été, votre cœur navigue sur les eaux émotionnelles profondes. Vous cherchez la stabilité, mais l'aventure n'est jamais loin. Des défis financiers pourraient peser sur vos relations, mais votre capacité à gérer ces situations avec douceur et amour vous aidera à maintenir l'harmonie. En septembre, une énergie renouvelée vous permettra de prendre des initiatives audacieuses en amour. Mon conseil, ouvrez votre cœur, mais gardez un œil sur la réalité pour ne pas vous laisser submerger par les vagues émotionnelles. Lion, vous serez la reine ou le roi du bal cet été. Cet été, vous êtes la star incontestée du zodiaque. Votre charisme naturel atteint des sommets, surtout au mois d'août. Cependant, votre quête de l'amour peut vous rendre un petit peu trop audacieux. Alors attention, ne pas laisser l'impulsivité gâcher de belles opportunités. En amour donc, soyez généreux, mais aussi attentif aux besoins de l'autre. Mon conseil, profitez de votre magnétisme, mais n'oubliez pas que les meilleures relations sont celles où l'on partage la scène. Et oui, et qui sait, peut-être qu'une aventure estivale se transformera en conte de fées. Vierge, entre défis et douceur. Cet été est un mélange de défis professionnels et de succès amoureux. Vous pourriez vous sentir un petit peu seul au début, mais Vénus veille sur vos relations, apportant des moments de tendresse et de complicité. Le 19 septembre, une configuration astrale favorable booste votre confiance ainsi que votre charme. Mon conseil, prenez le temps de vous connecter émotionnellement avec vos proches. L'amour a besoin de patience et d'attention, alors ne laissez pas votre agenda chargé vous priver des douceurs de l'été. Balance, entre équilibre et surprise. Cet été, vous jonglez entre passion et tranquillité. Votre début de saison est marqué par une énergie débordante, mais prenez garde surtout à ne pas vous épuiser. Les relations amoureuses seront intenses, avec des hauts et des bas. Heureusement, la fin de l'été vous réserve une douce surprise, apportant amour et harmonie. Mon conseil, naviguez avec sagesse à travers les vagues émotionnelles et gardez votre légendaire équilibre. L'amour vrai sait attendre et se révèle souvent au moment le plus inattendu. Scorpion, intensité et transformation cet été. Oui, Scorpion, votre été est un feu d'artifice d'émotions et de transformation. Vous démarrez avec une énergie puissante, prête à conquérir le cœur de ceux qui croisent votre chemin. Toutefois, gardez un œil sur votre tendance à l'intensité excessive qui pourrait effrayer certains. En fin de saison, un renouveau vous attend, apportant fraîcheur et même de nouvelles perspectives en amour. Mon conseil, canalisez votre passion et laissez la transformation se faire tout doucement. L'amour est un voyage, pas une destination, n'oubliez pas. Sagittaire, aventure et découverte sont au programme cet été. Oui, votre été est une carte postale d'aventure et de nouvelles rencontres. Votre audace et votre charme naturel vous attirent l'attention de tous. Mais attention à ne pas vous disperser. Les relations amoureuses sont excitantes et vous pourriez même trouver quelqu'un qui partage votre soif d'aventure. Mon conseil, gardez votre cœur ouvert toujours, mais n'oubliez pas de prendre le temps de connaître vraiment les gens. L'amour peut être une grande aventure si vous êtes prêt à explorer les profondeurs. Capricorne, ambition et tendresse sont au programme cet été. Cet été, votre détermination habituelle se mêle à une douceur inattendue dans vos relations. Vous pourriez trouver que l'amour demande autant d'engagement que vos projets professionnels. Les étoiles vous encouragent à ouvrir votre cœur et à partager vos sentiments, même si cela semble un petit peu risqué. Mon conseil, laissez un peu de place à l'imprévu dans votre vie bien organisée. L'amour pourrait vous surprendre agréablement, surtout si vous montrez vos côtés les plus vulnérables. Sceau, liberté et connexion cet été. Cet été est centré sur l'expression de votre individualité et la découverte de connexions significatives. Vous pourriez ressentir, par exemple, une forte envie de liberté, mais aussi un désir profond de partager avec quelqu'un qui comprend votre esprit unique. Certaines relations pourraient être testées, mais les vraies résisteront et deviendront plus fortes. Mon conseil, soyez ouverts aux nouvelles rencontres, mais restez fidèles à vos convictions, et cela toujours. L'amour vrai respecte votre besoin d'espace et d'indépendance. Poissons, un été placé sous les signes de la profondeur et de l'harmonie. Plongez donc dans les eaux profondes de l'amour avec courage et confiance cet été. Oui, votre sensibilité et votre force attirant des personnes qui cherchent de l'authenticité et de la compréhension. Il pourrait y avoir des moments de doute, mais votre intuition vous guidera. Mon conseil, écoutez votre cœur et n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions. Les relations qui survivent aux tempêtes de l'été deviendront des havres de paix et de bonheur partagé. Voilà, c'était votre horoscope amoureux de l'été. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines prévisions.